d'angoisse. Crise d'angoisse. Larmes fanées, pourtant néfastes, mal famées. Surpour mes phrases rouges quand sur les murs on m'efface. J'impose le vandalisme, pas les yeux d'un journaliste, plutôt d'un casseur. Penseur, coup tordu, foule l'ordure. Je me défoule au sens pur, je fais le miroir. Tu vois ton image tout en gardant l'art vrai. Les regards dans larves et garde chargé. Mon revolver lyrical, le cordon ombilical, nos initiales et comme le cercle nos attaches. Parce que trop de fois il a fallu qu'on m'attache. J'ai formé une armure contre tous ces bâtards armés. Dans un pays neutre on a monté notre propre armée. 1800 c'est... Triste angoisse, apparemment pas de la même classe. Pourtant en fréquentant les mêmes places. La haine s'aggrave dans les visages et l'œil ouvert au lieu de nous dévisage. Comme un miroir tu verras ton image. Triste angoisse, apparemment pas de la même classe. Pourtant en fréquentant les mêmes places. La haine s'aggrave dans les visages et l'œil ouvert au lieu de nous dévisage. Comme un miroir tu verras ton image. Il fallait ce qu'il fallait, rime affûtée, pas se faire enfiler. En vouloir au monde entier sans pour autant rester affalé. T'es affolé par nos styles, viens faire un tour dans nos villes. Tu comprendras pourquoi on crache au mic même si on paye pas de mine. On a le crayon, tribut au peu rat que nous payons. Pour elle enfin mon bataillon, je travaille pas pour les millions. Militants, pour être à l'heure faut poser dans les temps, pas dans les dents. Faire comprendre ça aux gens pas toujours évident. Comme un poulet avec une rage dedans, pour ça qu'on fait du rentre dedans. La musique et les fonds, pas le même sentiment. Crise d'angoisse, apparemment pas de la même classe. Rien à foutre sur cette planète, on laissera nos traces. On est tous jeunes, pourtant t'as vu nos rires jaunes. Comme tant à se nourrir seul dans la pire faune. Sera nos fils du temps, nos faces marquées, c'est d'art quoi. Tu vois pas que c'est pas la fête là. Dans nos enclaves, on sort des rangs graves. Les gens le savent, tu vois pourquoi ils veulent qu'on en bave. Marre de rêver de costard, de paysage qu'on voit qu'au poster. Fier de mon poste, j'en fais mon Oscar. Même si je galère, le rap je suis à l'heure. Sans mettre mes couilles à l'air pour faire un malheur. 1800, prendre la valeur, on s'est pas trompé. L'œil ouvert, c'est pour ça qu'on le fait. Crise d'angoisse, apparemment pas de la même classe. Pourtant en fréquentant les mêmes places. La haine s'aggrave dans les visages et l'œil ouvert au lieu de nous dévisage. Comme un miroir tu verras ton image. Crise d'angoisse, apparemment pas de la même classe. Pourtant en fréquentant les mêmes places. La haine s'aggrave dans les visages et l'œil ouvert au lieu de nous dévisage. Comme un miroir tu verras ton image. Au passage sur terre je veux en faire quelque chose. Affiner ma prose, affirmer ma cause. Je sais ce que la vie m'a appris. Et ce qu'elle m'a pris n'a pas de prix. Je prie, je trie dans un tas de tracage. Braque à droite, à gauche tu veux m'attraper. Tu crois quoi? Regarde-moi et le ouvert. Je vise le meilleur pour mes gars. Je vais pas le rater, tu vas te la roter. Branche ton lecteur, débarque comme Hannibal dans tes speakers. Parle de mes ardeurs, à rapper, à rafler, à râler. Les gars en valent la peine, descends dans l'arène. Bouffe le roi s'il est à la traîne, regarde où ça nous mène. Dans ce texte de quoi je parle, comme d'hab de mes fantasmes, mes sensations. Au mic, on n'est pas ça les seuls. Et pour les faux, tant mieux si ça les saoule. 1800 c'est mon école, on rappe et on décolle. 7ème ciel et on déconne, ça t'étonne. Écoute bien, tu verras, ça détonne. On taffe avec le cœur, en plus on en fait des tonnes. On te raconte ce qui a fait nous des soirs, mon mic. J'fais mes armes et tout pour que ce soit énorme. Péter les normes, bouger les morts et même faire sauter les notes. On parle de hardcore, à croire que la vie devient merdique. Tout le monde est d'accord. Crise d'angoisse, apparemment pas de la même classe. Pourtant en fréquentant les mêmes places. La haine s'aggrave dans les visages et l'œil ouvert au lieu de nous dévisage. Comme un miroir tu verras ton image. Crise d'angoisse, apparemment pas de la même classe. Pourtant en fréquentant les mêmes places. La haine s'aggrave dans les visages et l'œil ouvert au lieu de nous dévisage. Comme un miroir tu verras ton image. Crise d'angoisse, apparemment pas de la même classe. Pourtant en fréquentant les mêmes places. La haine s'aggrave dans les visages et l'œil ouvert au lieu de nous dévisage. Comme un miroir tu verras ton image.